vraiment avec justice puissant. Puissant, puissant. Jugez-vous les hommes avec droiture. Au fond de vos cœurs, vous tramez le mal. Vos mains répandent la violence sans mesure. Les méchants s'égardent et le sein maternel, dès leur naissance, ils suivent le mensonge. Leur venin est comme celui du serpent. Ferme l'oreille à toute sagesse qui dérange. Oh Dieu, brise les dents dans leur bouche, arrache les crocs des jeunes lions. Qu'ils se fondent comme l'eau qui s'écoule, comme l'herbe foulée qui disparaît sans saison. Qu'ils soient comme un avorton qui ne voit pas. Il y a un Dieu qui juge la terre.